J'ai mis mon cœur dans une forteresse. On a tout fait pour quitter la thèse. Cherche le chemin sans GPS. C'est pas pour l'honneur mais pour le business. Et je pars en balade, balade, balade. Papa n'est pas là, pas là.